importe. Mon mari me bat pour rien. Mon problème à moi, je vous appelle. C'est que ma fille tape sur son bonhomme. Mon concubin m'a frappé plus que d'habitude. Je ne travaille pas. Je suis pas battue à mort, mais j'en peux plus. C'est un monsieur qui vous appelle. Mon mari me bat pour rien. J'ai un petit problème, comme beaucoup de femmes. Je vous appelle parce que ma femme a encore fait une fugue. Live écoute d'Alice Buteau. Épisode 3. Franchement, une fois, j'étais contente d'y aller, en plus. Salut. Bah, Liv. Ah, salut, Mildred. Attends, tu me donnes 2 secondes. J'écoute la conversation des filles d'à côté. Hein? Non, bah, ça, c'est sûr, elle est pas facile du tout. Hein. Je lui ai dit bonjour, elle m'a même pas répondu. Depuis, je lui parle plus. Jamais elle dit ça va, et toi? Moi, je lui dis bonjour alors que je la connais même pas. Et elle, elle m'a dit s'il vous plaît. Mais au salon, je fais ce que je veux, j'ouvre le registre. Là, il y avait que 2 personnes. Mais t'imagines, 2 personnes. Je vais me chercher un café. Littéralement de ma gueule. T'en veux un autre? Non, merci. Franchement, quel change, mais quel change de métier. Je sais pas. Et Sonia, elle dit quoi? Mais Sonia, elle va pas le garder le salon. Elle va la mettre dehors et elle va jeter tout le monde. Mais elle peut faire plein de choses, Sonia, je m'inquiète pas. Elle peut faire tout. Tout, même une sandwicherie. Ah, j'ai failli la taper, la folle. Sonia m'a dit n'y va pas, ça va faire des histoires. J'ai failli la taper, la salope. Elle me dit, je vais en avoir pour 1 heure avec tes cheveux, ils sont longs et ils sont épais. C'est pas vrai, ils sont magnifiques tes cheveux. Merci. J'ai une tête fatiguée en ce moment. Non, t'es très belle. Ah, je veux même pas qu'elle touche ma tête, je vais lui mettre un coup de poing dans sa bouche. Ses dents, elles vont tomber la salope. Tu t'en fiches, il y a des personnes gentilles, puis il y en a d'autres qui sont bonnes. Car... Tu vois sur le visage de quelqu'un s'il est bon. Moi je le vois, tout de suite. Mais je peux te le faire moi le brushing. Si t'es à côté, tu passes à la maison et je te le fais. C'est vrai? Mais oui, je te promets. Oh, t'es sympa. En plus, ça me ferait plaisir. C'est vrai, mais à quelle heure? Bah, je sais pas, tu peux passer déjà ce soir si tu veux. Ce soir, ok. On y va? Mais ouais, carrément. Tu me le dis si je te dérange, hein? Non, pardon. C'est bon. Encore à espionner. Mais parle moins fort. Oh, Liv. Enfin, non, excuse-moi, mais là. Comme je suis ton amie, je te le dis, cette combinaison, là, c'est vraiment pas possible. Ouais, je sais. Mais si tu le sais, pourquoi tu la portes alors? Avec une vieille robe, je suis moi. Être humain, âme, inspiration. Avec une robe neuve, je suis une femme. C'est pourquoi je n'en porte pas. On pourrait discuter toutes les deux parfois sans que tu invites Marina Tsvetaeva à notre table. Il y avait un type assis là, juste avant que tu arrives. Mmh. Il parlait hyper fort au téléphone. Il mugissait. Un bœuf. J'entendais même plus les filles. J'avais envie de hurler, mais... Tu vas la fermer, ta grande gueule. Et je me disais que c'était débile, que je pouvais lui demander autrement, poliment, mais je disais rien du tout. J'avais peur qu'il me casse la gueule. J'en avais mal à la mâchoire. Je me disais qu'au vu de ses cordes vocales, il devait avoir une bonne frappe. Je sais pas pourquoi. Des gros poumons, des gros poings, une grosse envie de frapper une femme. T'as vu dans le métro cette pub infecte? C'est un pléonasme. Un mec avec une armoire sur le dos, ça disait « Vous l'adorez ?» Votre femme la déteste, nous la stockons. Ouais. Dans le métro, sur nos murs. Mais tu vois de la misogynie partout. Mais c'est qu'elle est partout. Il suffit de savoir regarder. Ouais, ou d'être parano. Même si t'as raison, il vaut mieux en voir trop que pas assez, non? Les hommes vont le lire, en rire. Oh ma femme, qu'est-ce qu'elle me fait chier. Les femmes vont en rire aussi. Oh mon mari et son armoire immonde. Et les enfants grandiront en pensant ça. Oh les mères, qu'est-ce qu'elles font chier les pères. Elles leur laissent même pas leurs armoires, alors que eux, ils les aiment, leurs armoires. Tu vois, je suis pas sûre que réagir excessivement et pour des choses aussi insignifiantes serve ta cause. Comment ça ma cause? Ben, c'est aussi la tienne. Mais ils sont du côté des femmes puisqu'ils la stockent, l'armoire. Mais y a pas à être du côté des femmes ou du côté des hommes, y a pas de côté. Bon bah s'il y a pas de côté, tout va bien alors. J'ai une amie, Marie, elle m'a raconté qu'un soir en rentrant chez elle, elle était dans la rue et un homme lui a dit bonsoir. Mais le fameux « bonsoir », alors elle lui répond un « bonsoir » dans sa barbe. Lui, il ne l'a pas entendu. Et là, pan, un pain dans la gueule. Comme s'il la haïssait, et à travers elle, toutes les femmes. Comme s'il vengeait tous les hommes. De quoi? De lui avoir pris son armoire. Non mais je plaisante là, mais en fait, c'est pas vraiment drôle. Et parce que moi, depuis, je fais attention. Ah oui, j'ai travaillé mon « bonsoir ». Un « bonsoir » à forte et intelligible voix. Qui dit « je vous réponds « bonsoir » par politesse ». Et gentiment. J'ai conscience de mon infériorité, mais restons-en là, s'il vous plaît. Je ne suis pas intéressée, même si vous êtes très intéressant. Tu arrives à dire tout ça dans un bonsoir? Ah, t'es forte. Mais rigole. Mais des histoires comme ça, j'en ai des dizaines. Et je te parle même pas de ce que j'entends à la sauce. Et toi aussi, fais pas semblant. Pourquoi tu ne le dis pas? Pourquoi tu fais comme si tout ça n'existait pas? Tu t'es habitué? Tu t'es résigné? Non mais, tu prends le monde tel qu'il est. Pourquoi? De quoi tu as peur? Peur de passer pour qui? Bon, je vais y aller. Je vais te laisser t'écouter parler. Écoute, je sais pas ce que t'attends de moi. Que je parle comme toi, c'est ça? Et qu'ensemble, on monte au créneau? J'en ai pas envie. Je prends et je fais les choses à ma manière. Je suis pas contre tes idées, je suis pas contre toi, mais je pense pas pareil. Alors parle. Dis ce que tu penses. Je t'écoute. L'écoute? Non. Ce n'est pas ta plus grande qualité, non. Bah, pourquoi tu m'agresses? Voilà. Le monde entier t'agresse. Un pauvre type au téléphone, une pub, moi. Je pense que nous ne sommes pas des victimes, ni des proies, ni de pauvres petites choses. Je pense que tu te trompes de tactique, mais que ça t'arrange bien. Tu as déjà fait lire une seule de tes pièces à des éditeurs ou à des metteurs en scène? À des théâtres? Je pense « Never explain, never complain ». Comme la reine d'Angleterre. Ouais, c'est pas comme si tu comprenais pas. J'y vais. Mais non, mais... I can see you right about this place. I can make perfect lightness of your body. If I try, je deviens agressif. Je vous appelle, mais je n'ai jamais de trace. Hier soir, mon mari m'a fait descendre de la voiture et manger de l'herbe. C'était Liv Écoute, d'Alice Buteau. Avec Marie Dompnier, Liv, Florence Janas, Mildred, Pauline Ziadé, l'énervée, Anne Stephens, la calme. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Éric Boisset, Bastien Varigaud, Yannick Magnon. Assistante à la réalisation, Alice Cachaner. Réalisation, Sophie Haute-Picon. I put my hands around your neck.